il est plus autre que autre. Tout ne change rien. Il ne pense rien de rien. On est toutes la phénoménologie de quelqu'un. Tout est le quand et comment du ça. Mais qui est il? Il? On n'est ni l'est ni l'ouest.